4. La tête de mort. C'est singulier, dit Monsieur Léonard, qui s'était remis à peindre. Et après une pause, c'est singulier. Quoi, mon oncle ? Demanda la jeune fille oublieuse, qui regardait attentivement une tête de mort. Il la dessinait tour à tour. On dirait que vous pensez quelquefois, poursuivit-il en touchant, avec son appui-main, le carton refermé. Quelquefois, mon oncle, quand le cœur me bat, répondit-elle sans perdre de vue la tête de mort blanche et polie. Eh bien, faites-moi le petit tableau que je vous ai commandé. Faites le même avec votre cœur, je ne vous le défends pas. Si vous le laissiez battre souvent pour autre chose que la peinture, il pourrait vous jouer un assez mauvais tour. Ondine regarda son oncle, avec tout le naïf d'une pensée de greuse, et sans nulle arrière-prévision. Je ne veux apprendre qu'à peindre, mon oncle. Elle croisait et respirait, en effet, sans danger, au milieu de 12 jeunes têtes ardentes qui lançaient des éclairs. Nul regard ne pénétrait jusqu'au fond du sommeil de son âme. Jamais, plus que M. Léonard lui-même, elle n'avait pensé que rien dût l'inquiéter dans son calme, qui lui faisait comme une seconde enfance. Les élèves de son oncle étaient ses frères d'atelier. Elle les regardait et leur souriait, sans respirer au milieu d'eux autre chose que la peinture, l'harmonie et l'innocence. Elle glissait parmi ces êtres mobiles et enjoués comme un ruisseau pur et libre qui réfléchit les objets qui l'entourent. Mais les ruisseaux dépendent de la terre. Un nuage les rend tristes, un orage les égare, l'eau se trouble et se trompe, et s'en va par un autre chemin. Ondine n'y pensait vaguement que sur un aveu de sa sœur. Le jour d'un mariage d'amour, elle avait dit « Cette sœur, il faut aimer ou mourir. » Ondine avait retenu cela, mais personne ne l'en faisait apercevoir. Elle dessinait donc sans distraction l'horrible tête où elle cherchait à retrouver quelques traits de la vie. Ses petites mains rondes et potelées retournaient en vain cette stoïque étude. De profil ou de face, dans l'ombre, en raccourci, c'était toujours la mort, toujours au fond de cette bouche creuse, aride et sèche, sans lèvres, sans voix. Ondine croyait entendre, toi aussi. « Tu mens, dit la jeune fille impatientée et un peu frissonnante, je te forcerai bien à n'être plus si laide. » Elle fit courir alors son crayon avec une incroyable vitesse sur le papier. Autour de cette tête trop exactement reproduite, elle rougissait d'un air de triomphe, et sa main qui tremblait d'action et de joie volait sur le dessin en y jetant la pensée qui animait ses yeux d'un singulier éclat. « Que diable fait-elle donc là ? » dit M. Léonard en l'examinant de loin. « À qui parle-t-elle ? » Il se fit le plus léger qu'il put et s'approcha sans bruit, regardant par-dessus l'épaule et la chevelure éparse de son écolière, qui murmurait toujours en avançant ses lèvres vermeilles et boudeuses « Tu mens, tu mens !» M. Léonard resta un moment stupéfait, puis il éclata de rire, ce qui fit sauter Ondine hors de son escabeau, en poussant un grand cri. « Vous voyez bien que vous avez peur, dit son maître en se moquant d'elle, et que c'est vous qui mentez à cette pauvre sincère, parce qu'elle vous dit une brusque vérité. Voyez, elle n'a plus rien pour mentir à personne, non plus qu'à elle-même. Vous avez beau mettre des fleurs dessus, dessous, dedans et tout autour, ce ne sera jamais qu'une tête de mort, la seule qui ne mente plus. Il est pourtant certain désir que votre idée fait sourire. Ces fleurs sont bien jetées. Il faut arrêter cette esquisse, dont je ne suis pas mécontent. Cette pauvre petite, poursuivit-il en regardant alternativement les fleurs, Ondine et la tête de mort. Comme elle ressemble à son père, mon pauvre Félix, et ses yeux devinrent humides. Il n'attendit pas ce jour-là que le soleil fût tout à fait couché, pour faire respirer quelques instants à sa nièce l'air assaini des boulevards et des jardins qui les entourent, et dont les parfums suaves franchissent les plus hautes murailles.